Parler des Balkans, ce n'est pas poétique. De ces guerres qui mentent sous des tissus tragiques. Parler d'une trottinette, ce n'est pas poétique. Pourtant y'a des roulettes et une sonnette qui fait bling. Parler d'un pigeon nain, ce n'est pas poétique. Même s'il souffre bien, plus que l'hirondelle docile. J'aurais pu en faire une chanson. Parler de nos chaussures, ce n'est pas poétique. Quand il petit doit s'assure que nos pieds les ratatinent. Parler d'un Playmobil, ce n'est pas poétique. Sa vie est trop facile, il n'a aucune éthique. Parler des intestins, ce n'est pas poétique. On dira que ça mène à rien d'exhiber son transit. J'aurais pu en faire une chanson. C'est con. Parler de l'Algérie, ce n'est pas poétique. Là on te fait des petits, les années s'en méfient. Parler d'une table basse, ce n'est pas poétique. Dire qu'elle a bu la tasse, ça c'est vraiment facile. Parler d'universal, ce n'est pas poétique. Pour une rime rentable, on tuerait ses principes. J'aurais pu en faire une chanson. J'aurais pu en faire une chanson. C'est con. Et parler de ton cul et d'amour pour la vie. De rupture de ton cœur qui ne bat plus aussi vite. De ta vie misérable, de tes gosses lamentables qui jouent dans ton jardin de banlieue et ton chien. Bah ça j'en ferai un, bah ça j'en ferai un, bah ça j'en ferai un du tout. Ça j'en ferai rien du tout, parce que je m'en fous.